kamu bende bende na me bogera tumbo ezbizi mbi acho pake chopege Bwenge didi ya gebu na gomono zizi Chuba jako geo Soyez tous salués, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. C'est pour moi un plaisir, une fois de plus, de vous retrouver sur cette chaîne YouTube, qui est une chaîne, non seulement on parle beaucoup plus de spiritualité, mais il y a également des sujets d'actualité. Des sujets d'actualité tels que les relations humaines. Et aujourd'hui, nous allons parler justement d'un sujet qui est tout à fait particulier. Il s'agit de comment préparer son aventure vers des pays étrangers. Car le rêve de tout Africain a toujours été, pas seulement les Africains, puisque le cas des États-Unis, l'Amérique, comme vous le savez, c'est un pays d'accueil, un pays d'immigrés. Donc, la plupart des humains sur la planète, que nous soyons de l'Afrique, que nous soyons même de l'Europe, et je m'en souviens, le jour où je passe ma nationalité, eh bien, il y a eu deux Anglais qui sont devenus citoyens américains. Et dans la salle, d'ailleurs, tout le monde se regardait, mais tiens, des Anglais qui ont colonisé l'Amérique, qui sont quand même propriétaires de ce territoire, puisque la reine Elisabeth reçoit tous les perdièmes à ce sujet. Donc, du coup, tout le monde est appelé à immigrer à l'étranger. Aujourd'hui donc, je vais pouvoir partager avec vous qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir vous aventurer à l'étranger. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire? Sur ce, donc, je vais vous donner des recommandations qui sont conformes à la loi. Et ça dépend des pays. Et là, je vais vous parler beaucoup plus des États-Unis d'Amérique et du Canada à côté. De quels pays je fréquente et bien d'autres pays où j'ai été, mais je mettrai l'accent beaucoup plus sur ce qui se passe ici aux États-Unis. Et je crois aussi, au vu des renseignements que j'ai eus auprès des miens, puisque j'ai également, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai également une nationalité française, car notre grand-père avait acquis cette nationalité vers les années 1922. Et là-bas, j'ai des cousins, j'ai des sœurs, des cousines qui ont cette nationalité à cause du grand-père. Donc j'ai de la famille en France, et j'y vais de temps en temps, et j'ai des amis. Je me suis bien renseigné comment ça se passe là-bas pour pouvoir s'aventurer. Ce que j'entends par l'expression s'aventurer veut dire, à cause des conditions sûrement dans lesquelles vous vivez, vous voulez vous y rendre dans un autre pays pour trouver le bonheur, puisque les déclarations des droits de l'homme, je crois dans son article 3, dit que tout humain a libre de ses mouvements de se rendre d'un pays à un autre où il peut trouver son bonheur. Donc, ça c'est un fait. Et ce qui m'a amené de parler de ceci, c'est parce que dans les réseaux sociaux, nous sommes bombardés par pas mal de sujets en rapport avec les prostitutions, nos sœurs qui voyagent. Ça a commencé d'abord par cette affaire de sel qui a fait beaucoup de bruit, et ça continue d'ailleurs, puisqu'il y a certaines de nos sœurs africaines qui viennent se défendre, qui viennent mordicus défendre un peu leur position, bien que certaines soient impliquées dans cette pratique lugubre, sombre, qui se passe dans certains pays en Arabie, notamment à Dubaï. Donc j'ai pensé à cela, et j'ai suivi il y a quelques jours un documentaire qui a été fait par un frère camerounais qui, préoccupé par la situation de nos sœurs africaines, poursuivre cette affaire, surtout de Dubaï, car ça fait beaucoup de bruit, hein, beaucoup de nos compatriotes, je parle du pays dont je suis originaire, donc de nos sœurs gabonaises, congolaises, de tous les pays du monde, vont toujours à Dubaï. Et quand elles reviennent, c'est du bling-bling, c'est beaucoup de choses. Et donc ce frère, j'ai suivi son documentaire de 20 minutes, ça m'a beaucoup touché. Le titre, c'était « La prostitution à Dubaï ». Je l'ai même posté sur mon profil, je vais dire, sur mon compte Facebook, vous pouvez aller regarder cela. Oh là là, ça m'a beaucoup choqué. Et c'est ainsi donc, en suivant un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, et je vois les risques que prennent beaucoup de nos frères africains et nos sœurs traversant la Méditerranée. Le fleuve de la Méditerranée a tellement frappé fort que ça a baissé un petit peu. Maintenant, le grand Eldorado pour les Africains, le paradis, c'est l'Arabie Saoudite. Je veux dire, oui, certains qui vont même en Arabie Saoudite, et Dubaï. Dubaï qui porte à la fois le nom de la ville et du pays. C'est un tout petit territoire qui a été construit il n'y a même pas 25 ans, en plein désert, qui attire aujourd'hui beaucoup de personnes. Donc, c'est en suivant donc ces informations, en suivant dans les réseaux sociaux et même à travers les news, j'ai suivi il y a deux jours sur Euronews, sur ma chaîne, sur ma télévision, il parlait justement de cette affaire-là toujours, qui fait couler beaucoup d'encre dans les réseaux sociaux. Et soucieux donc de l'avenir de nos jeunes qui, dans la plupart des pays en Afrique, ne trouvent pas le compte et se retrouvent, si vous voulez, étranglés par rapport aux conditions économiques, politiques du pays, donc se voient dans l'obligation de quitter le pays. Et ceci donc, je vais partager avec vous à la fois ma propre expérience, comment j'ai fait, hein, pour quitter le Gabon, bien que c'était des circonstances différentes. Hein, je ne souffrais pas au Gabon. Hein, au contraire, j'avais de bons boulots, c'est-à-dire que je travaillais à la fois pour la commune de Gamba, où j'étais conseiller municipal et en même temps l'un des adjoints au maire, de 1996 jusqu'en 2002, lorsque j'ai décidé de quitter définitivement le Gabon. Je travaillais à la fois à la Shell, j'étais technicien supérieur, chargé des pétroliers. Et donc, je brassais pas mal de sous et ensuite, je me suis retrouvé à Rabi. Mais seulement, je partage ma vie ici. J'ai eu une vision qui 15 ans à l'avance, j'avais déjà annoncé le départ de Shell Gabon. J'avais annoncé le départ de la compagnie Shell Oil Company du Gabon. 15 ans à l'avance. Donc, nous sommes en l'an 2001, au moment où je dépose ma démission, après mon voyage d'aventure ici aux États-Unis. Je décide, j'annonce à tous mes collègues, d'ailleurs, qui peuvent vous témoigner. Nombreux sont là, je ne vais pas citer les noms, ils se reconnaissent. Que j'avais dit que Shell, dans les 15 années qui vont suivre, Shell n'existera plus. Je vais dire, la Shell que nous connaissions ne sera plus là. Donc, je vais quitter les lieux. Alors que, quand je lis mon dernier rapport, il était prévu une grande promotion pour moi à devenir cadre de la société. Mais allez-y savoir, cadre, qu'est-ce que je devais devenir? Bref, j'avais donc eu une vision. Ce n'est pas que j'étais pauvre, non. J'avais quand même laissé... au niveau des Gambas, j'ai construit une maison. À Port-Gentil également, j'ai laissé une maison. Donc, j'avais quand même, j'avais aussi des sous. Quand je quitte la Shell, j'ai eu quand même une somme assez importante et qui m'a permis d'ailleurs, ça fera partie d'un peu des conseils que je vais vous porter tout à l'heure, dans les minutes qui suivent sur ce sujet. Donc, de un, armé de ma propre expérience, j'aimerais la partager auprès de tous ceux-là qui ont ce rêve de venir à l'étranger, et surtout de venir sûrement aux États-Unis. Je vais vous amener donc dans les « ce qu'il ne faut pas faire » et « ce qu'il faut faire » pour vous éviter de tomber dans des pièges. Ne soyez pas trompés par les apparences. Et également, je vais vous donner la loi, comment ça marche aux États-Unis. La loi, pourquoi? Parce qu'il faut connaître vos droits. Et ça, c'est l'avantage aux États-Unis. Pour ceux qui me connaissent, ils voient que j'exhibe souvent une arme, j'exhibe des armes. Chez moi, j'en ai près de 4, j'ai des armes de guerre, je suis autorisé de les avoir, j'ai un permis de port d'armes, j'ai des armes automatiques. Ici aux États-Unis, c'est autorisé, et pas dans n'importe quel état, parce qu'il y a certains états où c'est interdit, malheureusement. Mais j'ai le privilège d'être dans un état où je peux me permettre d'avoir tout cela. Donc, nous allons commencer tout de suite. Premièrement, quand vous voulez vous lancer dans une aventure, il faut vous préparer. La préparation, elle est à la fois matérielle, mais aussi spirituelle. Puisque n'oubliez pas que l'objectif de ma chaîne YouTube, ici, l'élu de Tetanzambe, c'est surtout beaucoup mettre l'accent sur la spiritualité négro-africaine, mettre l'accent sur nos traditions, nos rites, et de vous aider, d'aider ceux-là qui sont soucieux, qui ont des petites difficultés dans la vie, de pouvoir atteindre certains objectifs via l'esprit, c'est-à-dire par la maîtrise de tout ce qui est spirituel dans le monde des arcanes secrètes. Vous pouvez également, n'est-ce pas, résoudre les problèmes qui vous embêtent au niveau du matériel. Donc, les conseils que je vais vous porter, que je vais vous donner, vont être autour de cela, c'est-à-dire la préparation spirituelle et la préparation matérielle. Qu'est-ce que c'est la préparation spirituelle? La préparation spirituelle veut dire que lorsque vous avez ce projet de pouvoir vous déplacer dans l'espace et le temps, de vous retrouver dans un autre lieu, puisque c'est garanti par les déclarations des droits de l'homme, que vous pouvez partir d'un pays à un autre si vous n'êtes pas content de ce pays dans lequel vous vivez. Alors, voici ce qu'il faut faire spirituellement. Il faut vous préparer. La préparation spirituelle, c'est quoi? Eh bien, ce sont, pour ceux qui sont religieux, vous faites vos prières, vous faites des jeûnes, vous faites des travaux, si possible. Dans la mystique chrétienne, il y a pas mal de techniques. Je tiens ici, donc, saluer au passage M. Nzigu, parfait. C'est lui-même que j'avais rencontré en 1999, lorsqu'il était encore au Gabon, et il va me donner certaines recettes qui m'ont servi d'ailleurs de réussir mon premier voyage au niveau du Texas, et ensuite en 2002 de quitter définitivement le Gabon. Donc lui, il m'a donné quelques techniques, et ce sont celles-là que je veux partager avec vous, du point de vue ceux qui sont dans la religion. Dans la religion, je veux dire, il faut faire des prières, il faut également faire des assaises initiatiques. Les assaises veut dire qu'il y a certaines règles que vous devez suivre, certaines recommandations. Et ces recommandations, souvent, je recommande ceci, pour ne pas être tautologique, 90 jours, soyez dans la prière. 90 jours, soyez dans la prière, et durant ces 90 jours, prenez au moins une semaine de jeûne à l'intérieur de chaque 30 jours. Je veux dire, dans la période de chaque mois, il faut faire des jeûnes. Et au cours de ces jeûnes, vous allez mettre l'accent sur vos projets, sur ce voyage que vous préparez pendant 90 jours. Et souvent, donc, je parle de jeûne, faites le jeûne en lune montante, c'est-à-dire qu'une fois la lune disparaît. Par exemple, présentement, je vous parle, la Lune est en phase ascendante. Donc, quand la Lune est en phase ascendante, on appelle ça Lune montante. C'est en ce moment où vous faites vos jeûnes de 7 jours. 7 premiers mois, 7 deuxièmes mois, 7 troisièmes mois. Et vous mettrez sur un bout de papier blanc. Généralement, la vieille magie recommande que vous écriviez avec de l'encre noire sur du parchemin végétal. Sur du parchemin végétal. Vous allez écrire dessus. Mais le papier, c'est du parchemin végétal, pour ceux qui ne le savent pas, parce que le papier provient de l'arbre, et cet arbre, qu'on transforme pour devenir du papier. D'accord? Donc, c'est plus facile. Vous pouvez le faire sur du parchemin végétal ou sur du papier blanc que vous allez acheter, mais qui n'a jamais été utilisé ou touché par quelqu'un d'autre. Et c'est là-dessus que vous allez écrire donc vos projets. Si vous voulez voyager aux États-Unis, vous voulez voyager en France, vous allez écrire tout cela et tout ce que vous voulez de l'aide céleste. Et bon, non, ça c'est dans le cadre général religieux. Dans le cas maintenant ancestral, c'est autre chose. Vous appliquerez tout simplement le rite du vin qui existe déjà ici. Et c'est dans ce rite du vin où vous allez faire la rencontre avec vos ancêtres pour pouvoir expliquer ce problème-là. Et vous faites ça également pendant 90 jours. Il faut le répéter pendant 90 jours. Pendant ces 90 jours, ça va être dur pour ceux qui sont mariés. Parce que pendant ces 90 jours, il vous est recommandé de vous abstenir de toute activité sexuelle. D'accord? Maintenant, ceux qui sont célibataires, c'est plus facile. Et également, si vous êtes célibataire, donc ça veut dire que vous ne devez pas être impliqué dans une activité sexuelle quelconque, que ce soit sous couvert de la masturbation, du plaisir de soi-même ou avec la copine ou le copain. D'accord? Et recommandation numéro 2, toujours par rapport à la spiritualité, évitez de confier ou de parler de votre projet à qui que ce soit. D'accord? Et maintenant, si vous êtes en couple et que vous devez faire le déplacement ensemble, eh bien, il ne doit pas avoir une fuite d'informations sur votre projet auprès des amis et connaissances. Formellement interdit. Là, je suis en train de parler de la préparation spirituelle. Si vous n'êtes pas marié, vous avez un copain ou une copine, n'en parlez pas du tout. Fermez votre bouche, s'il vous plaît. N'en parlez ni aux parents, ni aux amis et connaissances quand vous avez ce projet. Surtout quand vous avez commencé le travail de 90 jours là pour pouvoir l'alimenter. Donc, le rite ancestral, donc, pendant les 90 jours, le jeûne est maintenu. Pendant les 90 jours, j'ai dit, vous devez faire le rite du vin qu'il faut appliquer dans ce cadre-là. En dehors du rite du vin, pour ceux qui maîtrisent déjà le rite de rentrer en contact et en communion avec les ancêtres, on appelle ça le culte des ancêtres ou le rite des ancêtres, vous pouvez activer votre feu. C'est autour du feu, donc, derrière votre maison ou votre appartement, que vous pouvez, n'est-ce pas, au fur et à mesure que vous jetez des bois morts dans ce feu, c'est là que vous émettez les vœux, car c'est cette flamme qui va amener la demande auprès des vôtres. Voilà la préparation spirituelle. Il faut faire des bains, naturellement. Vous devez vous purifier. Si vous avez l'hysope, s'il vous plaît, ce serait hautement recommandé. Donc, vous prenez de l'hysope et vous vous baignez avec. Vous mettez ça dans votre seau avec les feuilles de goyavier également, si possible. Ça, c'est la préparation spirituelle. Maintenant, la préparation matérielle, naturellement, il vous faut donc avoir les informations du pays dans lequel vous voulez vous aventurer. Ces informations, vous pouvez les obtenir auprès de l'ambassade. L'ambassade va vous donner tous les éléments nécessaires avant de pouvoir demander un visa. D'accord? Souvent, évitez, vous avez des amis et connaissances qui sont déjà installés dans ces pays, je vous prie, s'il vous plaît, ne vous fiez pas aux informations que les gens vous donnent. Je vous parle par expérience, parce que j'ai été roulé dans la farine aussi par des amis comme cela. D'accord? Donc, ayez toutes les informations possibles auprès de votre ambassade. Maintenant qu'il y a la technologie avancée, allez-y sur les sites internet, cherchez, tapez. Pour le cas de ceux qui veulent venir aux États-Unis, nous avons le secrétariat d'État américain qui vous donne tous les renseignements si possible. Ils ont leur site, the US State Department, statedepartment.gov, the US State Department.gov. Quand vous allez taper là-dedans, vous aurez toutes les informations nécessaires, partant de quel type de visa vous voulez, de quel type de ainsi de suite. Ça, c'est une première information. Donc, et les informations sur le pays, c'est-à-dire sur le visa. Et ensuite, et les informations pour le cas des États-Unis. Il y en a 50 États. Bon, il y a 51e qui est le Puerto Rico, mais je ne vois pas un Gabonais ou un Africain qui va chercher à aller vivre au Puerto Rico, qui officiellement ne l'est pas encore. D'accord? Mais les Puerto Ricains, quand ils viennent, ils ont droit à la nationalité, puisque c'est un territoire. On a fait des rumeurs que ça devait être parti de 50 États, donc devenir 51e État. 51e État. Le tout dernier qui a rejoint la fédération, c'est l'État de l'Hawaï en 1958. Il faut connaître toute cette histoire-là sur les différents États, comment ça fonctionne, quelles sont les activités. Et à partir de là, vous avez une idée. Et puis, cette fausse information, quand souvent les Africains vous demandent, tu es dans quelle ville? Aux États-Unis, il y a plus de 26 000 villes. Je m'explique. Quand on vous demande dans quelle ville, souvent les gens pensent seulement à quoi? Ils pensent à Chicago, ils pensent à Washington, D.C. Et même là, sur Washington, il faut savoir qu'il y a deux Washington. Allez-y, rentrez dans le livre d'histoire américain, on vous dira. Il y a le Washington State, qui est un État, dont la capitale est Seattle. Et il y a le Washington D.C., le District of Columbia, qui est le siège, si vous voulez, la capitale politique des États-Unis, qui se trouve dans le District de Columbia. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, on vous parle de New York. Mais New York, c'est la capitale économique. D'accord? New York, c'est la capitale économique de l'État de New York. Donc, l'État de New York a plusieurs villes. Et parmi ces villes, il y a une ville qu'on appelle New York City. Et c'est cette New York, cette ville de New York City qui est la capitale économique. D'accord? Il y a Buffalo, il y a d'autres villes que je n'ai pas visitées. Ben, j'ai été également à une autre ville là qu'on appelle Ithaca. Ithaca. C'est une petite ville qui est un peu à quelques kilomètres de New York également. Je disais, il y a Buffalo, il y a une autre ville là qui est la capitale politique où se trouvent monsieur et madame Clinton. Donc, c'est important de connaître tout cela. D'accord? Donc, connaître l'histoire du pays, connaître l'histoire des États. Pour les États-Unis d'Amérique, c'est un peu compliqué parce qu'il faut connaître l'histoire de chaque État. Et non seulement ne soyez pas influencé par les on-dit, comme je disais, il ne soyez pas influencé également par le côté beauté que le montre le film d'Hollywood. Vous savez que le film, ce n'est pas la vérité, d'accord? Le film, ce n'est pas la vérité. C'est des mises en scène qui ne sont basées que sur de l'imagination, sur de la fiction. Donc, il faut éviter de vous référer aux films que vous voyez. Il faut donc étudier le côté beauté du pays, mais ne vous fiez pas à cela parce qu'il y a aussi le côté sombre. J'ai appris beaucoup de choses du côté sombre de certains États américains où je ne conseillerais pas les gens d'y mettre pied. Et dans quel État vous devez vous intégrer parmi les 50? Et également, je crois ne pas me répéter, il faut éviter de trop vous fier aux on-dit de ceux qui sont ici. Parce que ceux qui sont ici ne sont pas forcément heureux. Et vous le découvrirez avec le temps, que les apparences sont trompeuses. Accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Les apparences sont trompeuses, pourquoi? Parce que les gens vont vous faire croire que, voilà, si vous rentrez, si vous venez ici, le boulot c'est facile, le boulot de ceci et cela. Parfois on vous raconte n'importe quoi. Et ensuite, il faut respecter la loi, il faut respecter les lois du pays. Pour votre information, le cas des États-Unis d'Amérique, chaque État a ses lois. Mais nous avons au-dessus des lois de chaque État, les lois fédérales. Donc ça, il faut connaître, voyez-vous. L'Amérique est un pays continent. Et pays continent veut dire qu'il est divisé en 50 petits pays, ou États, si vous voulez. Maintenant, chaque État, par exemple le cas de l'État du Texas, qui jusqu'à récemment continue toujours à réclamer son indépendance pour être une république à part. Parce que c'est pour cela que vous remarquerez que les gens au niveau du Texas, ils sont très durs vis-à-vis des présidents, surtout les présidents démocrates. Il y a beaucoup d'États comme ça. L'État de Utah, qui a aussi ses propres lois. Il y a certains États ici où la polygamie est autorisée. Il y a certains États où la polygamie n'est pas autorisée. Il y a certains États où vous pouvez épouser une jeune femme à l'âge de 16 ans. Vous l'épousez légalement. Mais il y a également à l'intérieur de certains États des lois internes à cet État qui s'appliquent uniquement à certaines communautés. La communauté, par exemple, des... on les appelle comment? Oh là là. Comment j'oublie ces gens-là? Et pourtant, je vais de temps en temps prendre la nourriture chez eux. Ils préparent la nourriture très naturelle. Ces mecs-là, par exemple, chez eux, vous pouvez épouser la femme à l'âge de 14-15 ans. Et le mariage, c'est entre eux-mêmes. C'est une communauté religieuse qui est beaucoup plus active du côté de l'État de la Pennsylvanie et de l'État de l'Ohio. Ils sont très nombreux dans ces zones-là. D'accord? Amish, voilà, on les appelle les Amish. Amish, ils ont leur propre loi. Ils ont leur propre école, jusqu'en classe de seconde. C'est leur niveau final. Eighth grade. Alors, je crois que c'est la classe de. Eighth grade, c'est quoi? Je crois c'est la classe de troisième, quatrième ou troisième. C'est là où ils arrêtent leurs études. Savoir compter, écrire et ensuite apprendre les métiers rapidement. Ils ont des écoles techniques qu'on appelle chez nous en Afrique les lycées techniques, collèges techniques. Il faut connaître tout cela, c'est très important. Bon, maintenant, vous, en tant qu'immigré, quand vous venez également, il faut la préparation matérielle aussi, c'est de pouvoir avoir un fonds avec vous, un fonds financier. C'est-à-dire, souvent, ce que je recommande, vous voyez vous-même dans les demandes de visa, on vous dit quoi? Visa visiteur, c'est ce que la plupart des gens prennent. Visa visiteur, on vous dit qu'il faut avoir au moins. Bon, moi, à l'époque, quand j'ai quitté le Gabon, en 1999, quand j'ai reçu mon visa, le même visa qui m'a permis de venir m'installer définitivement, c'est le visa visitor. Mais dans ce visa, on m'avait dit qu'il fallait que j'aie au moins 5 millions de francs CFA dans mon compte. C'est à l'époque que je travaillais à la Shell, donc j'avais suffisamment de fonds. Le nom déjà Shell frappait beaucoup à ma chaîne, mais j'ai fait mes économies. Donc pendant les 90 jours, naturellement, je m'assurais que je mettais au moins 60, voire 70% de mon salaire, bon, puisque je ne louais pas, je mettais tout cela dans ce compte. Donc il faut comprendre que c'est cet argent-là, en fait, une fois le visa est approuvé, c'est cet argent que vous devez utiliser une fois que vous êtes ici, si vous décidez de rester. Maintenant, la quatrième étape, si vous décidez maintenant de rester, et ça veut dire que vous avez respecté les autres étapes là, vous connaissez la loi, vous connaissez dans quel état vous voulez vous rendre, vous avez au minimum entre 3 à 5 millions de francs CFA. Ça, c'est la bonne aventure, hein, je vous explique. Je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Bon, j'avais plus que ça, je devais avoir entre 12 millions. Bien, quand vous avez cet argent-là, au minimum entre 3 et 5 millions, et que vous avez l'intention de rester, un, vous n'avez pas compté sur les gens. Moi, personnellement, je ne recommande pas que vous descendiez chez des parents ou amis ici. Je préfère vous dire la vérité honnêtement, les autres communautés sont très unies. Mais ce que je remarque avec la communauté gabonaise, c'est un autre monde, c'est complètement différent. C'est un peu chacun pour soi, Dieu pour tous. Pardonnez-moi, mais c'est une expérience personnelle. Peut-être qu'ils ont changé dans leur comportement. Car pour mon cas, lorsque j'arrive, je partage ma propre expérience. En 1999, en 1999, quand je vais au Texas, et là, je rencontre un monsieur qui devint mon mentor. Je vous ai toujours parlé de ça. Celui qui m'a fait rentrer dans la loge maçonnique, celui qui me fait rentrer dans une église scientifique qu'on appelle The Unity Church. C'est un gourou, c'est un grand maître du vaudou, qui est un frère blanc, qui est ingénieur à la compagnie Chevron. Donc lui, en 99, il m'avait déjà, c'est un peu le résultat du travail spirituel que je fais, parce que je n'avais pas prévu ce monsieur, je ne le connaissais pas. Mais dans l'avion même qui m'amène de New York jusqu'à, plutôt de Libreville jusqu'à, m'a amené jusqu'à Dallas, en passant par New York. Eh bien, ça, je parle de 99. C'est dans le même avion que je rencontre ce monsieur. Et puis, voilà, il y a un contact qui se crée. Et c'est même lui qui me trouve le logement, à Baton Rouge, la capitale. Donc, de là, on a créé certaines connexions. Il m'a introduit dans le monde de la franc-maçonnerie et tout. Bref, je parle de ça en plusieurs renseignements. Bref. Lui déjà, j'avais son contact, j'avais son numéro de téléphone. Donc quand je retourne et décide en 2002 de démissionner définitivement de la Shell pour venir ici, j'avais déjà ce monsieur comme contact réel. Mais j'avais des contacts de beaucoup de frères africains, rassurez-vous, que j'ai rencontrés. J'ai vu un monsieur Mbandiga, un monsieur gabonais, au niveau de Baton Rouge, mais je trouvais que sa vie était un peu bizarre parce qu'il était alcoolique. Et quand je me suis bien renseigné, ben, il devint l'alcoolique. Là, il est seul, le seul Gabonais abandonné à lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il s'est marié à une Américaine et l'Américaine l'a roulé. Et il ne savait plus ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est quelque chose du côté négatif, au côté sombre. Ici, aux États-Unis, si vous n'avez pas les bons renseignements, si vous n'avez pas la bonne information, et si vous n'êtes pas fort spirituellement et mentalement et psychologiquement, vous finirez par déprimer. Et c'est ça. Alors, je vous parle, je connais beaucoup de jeunes sœurs gabonaises qui dépriment et qui passent des moments difficiles, qui sont passées d'un mariage à un autre, mais elles n'ont jamais eu des papiers. C'est compliqué, ça. Mais je ne vais pas être trop long. Nous allons continuer étape par étape. Donc, ce contact du monsieur m'a servi de tremplin. Voilà pourquoi, ça rentre dans le conseil numéro 2 que je disais, il faut connaître le pays et ensuite, il faut avoir des réseaux. Donc, ce monsieur, c'était mon réseau très sûr, hein, monsieur Richard Gordon. C'est un blanc. Et aujourd'hui, il travaille à travers il voyage à travers le monde. Il fait des conférences sur le vaudou, sur la spiritualité, sur le reiki et tout et tout. Et c'est un maître maçon. Donc, ce monsieur-là, c'était déjà un point de référence pour moi. Comme je disais, j'avais des contacts d'autres frères africains. Mais maintenant, quand je décide de descendre définitivement ici, je vous dis, les données sont différentes. Je descends donc à New York. À New York, j'avais déjà mes sous avec moi. Et quand je descends à New York, je ne compte sur personne. Ce que je recommanderais aux gens. Souvenez-vous, je vous ai dit, il vous faut au moins entre 3 et 5 millions. Cet argent m'avait servi. Étant à l'hôtel pendant une semaine, je me suis pris en charge et je commençais, puisque je maîtrisais déjà la langue, ça c'est la recommandation numéro une d'ailleurs, le numéro deux toujours, il faut connaître le pays, ça veut dire qu'il faut connaître aussi la culture du pays, il faut connaître la langue. Donc, pendant ces 90 jours, voire même un an à l'avance, pour certaines personnes, si vous ne connaissez pas la langue, le Centre culturel américain est là, ou bien l'Institut de langue américaine, je crois que c'est une dame américaine qui fait ça au niveau de Riel Asso Braga. À Port-Gentil également, il y a des endroits, dans d'autres villes, faites des cours anglais. J'ai même donné des idées. Allez-y sur la BBC. La BBC, chaque soir, de 19h jusqu'à 21h, ils répètent les mêmes émissions des cours d'anglais à l'endroit des Africains. Donc, faites tout pour apprendre la langue, c'est très important. Car ça m'a été vraiment, c'était utile pour moi et ça m'a aidé. Étant à l'hôtel, donc, je descendais de temps en temps, je me renseignais déjà. Et c'est comme ça, j'ai, comme par hasard, rencontré un Guinéen. Un monsieur Guinéen qui, aujourd'hui, il occupe des hautes fonctions dans le gouvernement guinéen. Il est rentré chez lui puisqu'il a fait sciences politiques, donc il a occupé une bonne fonction. Ce monsieur, donc, va me dire, mais monsieur, au lieu de dépenser l'argent dans un hôtel, je sais que les Gabonais, vous êtes riches, et qu'est-ce que les Gabonais viennent faire ici? Et ça, les mêmes remarques, je les ai eues auprès de mes avocats, auprès des membres de l'immigration. Donc, c'est pour vous dire qu'il est plus difficile à un Gabonais de pouvoir s'installer ici, car l'image qu'on a du Gabon à l'extérieur, surtout ici, on dit que le Gabon, nous sommes très riches à cause du PIB là. Hein? Je crois que chaque Gabonais devait avoir plus de 5 000 dollars par mois, gratuits, donnés par le gouvernement. Donc, ils ont ça dans leur tête. Vous ne pouvez pas enlever ça de la tête des Blancs. Alors, pour eux, vraiment, et ce Guinéen qui connaît le Gabon également, puisqu'il était passé par le Gabon, il me dit, mais ce n'est pas possible. Non, voilà la preuve, vous vivez dans un hôtel. Comment vous allez venir ici faire quoi? Vous allez venir apprendre à souffrir, mon frère. Donc, il commence à me donner le côté sombre. Il me dit, voilà, ici, il faut reprendre la vie à zéro. Et là, j'apprécie beaucoup ses conseils. Et ceci, cela. Ne soyez pas influencés par les gens qui vous trompent, qui font des photos sur Facebook. Ils sont ceci, cela. Mais beaucoup n'ont même pas les papiers. Mais mon frère, il faut économiser ton argent parce que là, déjà, en une semaine, tu as déjà dépensé presque 2 millions, là. Donc, voilà ce que tu vas faire. J'ai même écrit cette adresse et je l'ai même communiqué à beaucoup d'entre vous. C'est là qu'il m'amène dans la zone de Manhattan, puisque j'étais logé dans la zone de Manhattan. Manhattan, si vous voulez, c'est le downtown de New York City. C'est là. Le centre, le cœur même de l'Amérique, là où les bandits là, ont bombardé le 11 septembre 2001. C'est là, le centre, la capitale. Et pour ceux qui ne le savent pas, New York City, vous avez Brooklyn, que j'ai visité également, j'ai vécu là-bas. Vous avez le Bronx, que j'ai également visité, puisque j'avais mon beau-frère à l'époque, Dieu ait son âme, qui habitait, qui m'avait même invité plusieurs fois. Donc, Brooklyn, le Bronx, Manhattan, OK? Et vous avez la Guardia en allant vers l'aéroport. Tout ça sont des quartiers de New York, mais qui ont des millions d'habitants dans chaque secteur. Mais maintenant, Manhattan, c'est le centre même. C'est là où se trouve le cœur de toute l'économie mondiale. C'est là où se trouve le siège de l'ONU, le siège des organismes internationaux. Tout est dans la zone de Manhattan. Bref, le frère donc va me faire visiter, juste pour vous informer que c'est très important de vous préparer spirituellement, parce que tout ceci, c'est le résultat de mon travail spirituel. Je ne pensais pas rencontrer un Guinéen. Et ensuite, moi, l'idée, c'était d'aller m'installer au Texas, mais me voilà maintenant, à cause du billet d'avion, je me retrouve bloqué à New York. Donc, les données changent. Mais de là, donc, le frère me donne l'adresse des agences d'emploi. Ces agences d'emploi emploient les gens, et ça existe jusqu'à présent. J'ai leur numéro de téléphone, j'ai leur adresse. Ils sont basés à Manhattan. It's called the employment agencies. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des placements d'emploi, non pas des placements dans le sens de nos amis de Dubaï. Et ces placements, c'est quoi? Il suffit d'avoir un passeport. Et c'est ainsi, voilà mon passeport gabonais. Il est là. C'est ce... Pardonnez-moi. Voilà mon passeport gabonais. Voyez-vous? C'est mon vieux passeport hein, qui avait été établi en 1996, que je garde jusqu'à présent. Donc, c'est ce passeport-là, avec le visa qui était dedans. C'est comme cela que j'ai eu le boulot donc, dans cette agence. Ils m'ont amené. Ils m'ont dit, vous voulez choisir, vous voulez aller travailler où? J'ai dit, bon, mais je vais travailler sur place, à New York. Et le premier boulot donc, que j'obtiens, c'est de travailler dans une usine chinoise pendant 6 jours sur 7. On me payait $350 par semaine. Mais vous travaillez 6 jours sur 7. Et là, je rencontre donc un frère. J'ai son contact. Un frère, nous avions appris au lycée technique ensemble. En classe de seconde, il se retrouve au lycée Léon Bas. Et moi, je reste là, au lycée technique. Je l'avais perdu de vue, mais il s'est retrouvé à Londres. Il a fait diplomatie. Donc, ce frère-là, il est grand diplomate. Et jusqu'alors, je vous parle, il vit à New York. C'est lui, donc, qui va me dire, mais mon frère, mais tu vas pas aller vivre chez des gens à gauche, à droite, mais mon Dieu, viens chez moi. Et c'est comme cela, il était dans la zone de Manhattan. Je loge chez lui, au frais. Mais il me dit, tu te débrouilles seulement pour te nourrir. J'ai dit, mais Dieu merci, j'ai déjà un boulot. Donc, j'avais ce boulot de Chinois à travers le passeport qui avait un visa encore valable de 6 mois. D'accord? Et j'allais livrer les journaux avec mon beau-frère d'origine du Mali. Dieu que Dieu est son ami. Il a fait des enfants avec ma petite sœur qui est au Gabon. La famille Onouvier. Donc, ce monsieur va m'amener pour livrer des journaux. Bref, je commence à faire des petits boulots. Et de là, je regarde mon visa. Parce que, détrompez-vous, le visa de 5 ans qu'on vous donne ne vous permet pas de rester aux États-Unis. Mais c'est le visa à l'arrivée de l'entrée de l'aéroport de la ville où vous vous trouvez. Moi, le mien que j'avais eu en 99, Dieu, si je serais resté, je serais heureux. Parce que là, on m'avait dit, can stay without any delay. Donc là, c'était une chance. Au niveau de Dallas, ce visa me disait que je pouvais rester jusqu'à temps indéterminé. Mais à cause de ce qui s'était passé après septembre 2001 aux États-Unis, maintenant, ils ont pris le système de mettre des délais de 6 mois, si vous avez la chance. D'autres, c'est 3 mois. D'autres, c'est seulement 1 mois. Moi, donc, j'ai eu le délai de 6 mois. Donc, vous devez vous rassurer que dans ces délais de 6 mois-là, ça, c'est le visa-là, c'est ça. Vous êtes légal dans le pays, mais vous restez seulement pendant 6 mois. Et c'est important de connaître cela, d'accord? Et durant donc cette période où je travaille, je fais des petits boulots à gauche, à droite, je fais mes économies, là, il y a des réseaux qui sont des réseaux illégaux autant pour moi, des réseaux, des papiers, des gens qui vous proposent de vendre leur carte sociale. Et ça, le gouvernement américain est au courant. Qui vous propose de vendre même leur passeport, qui vous propose de le vendre même leur acte de naissance. Je dis, mais mon Dieu, on est dans quel monde? Ah oui, ils sont là, sur la zone de Central Park. Central Park, c'est l'un des grands parcs de Manhattan, New York City. Donc, je vis toutes ces scènes-là. Mais le frère me dit, tu as vu comment les autres font? Et il y a un autre réseau, c'est le réseau des mariages. Ça, l'État américain est au courant. Voilà pourquoi, depuis un bon moment, quand vous faites votre mariage, on vous pose la question, est-ce que votre mariage est vraiment un vrai mariage? Donc, ils savent qu'il y a un réseau de faux mariages. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Des dames qui viennent me disent, non, moi, tu me donnes $3,000, il n'y a pas de problème, tu peux payer en 2 tranches. J'ai vu tout. Mais s'il vous plaît, Ça, c'est le côté sombre de l'Amérique. Si vous réussissez à ça, tant mieux pour vous, hein? Mais je ne vous conseille pas. Vous êtes célibataire, vous rencontrez une belle Américaine, vous pouvez vous marier légalement, il n'y a pas de problème. Mais cette affaire-là, échangez vos papiers, parce que, argent. Moi, l'État où je suis, l'État de l'Ohio, je vous signale, c'est l'État le plus strict dessus, parce que ici on a attrapé un réseau de nos frères de certains pays africains, parce que la dernière fois quand je parlais de ça, ils se sont fâchés, pourquoi tu vas citer notre pays? Un pays anglophone où il y a un réseau organisé. Le gars, donc, il demande des sommes d'argent, avec celui l'intermédiaire, celui qui va prendre les Américains. Ici, dans l'État de l'Ohio, on a attrapé ce réseau-là, et depuis là, si vous vous mariez ici à Ohio, là, c'est compliqué. On vous colle des espions, on vous colle des agents des services de renseignement derrière vous. Donc, juste vous prévenir que ne tombez pas dans ce piège des faux mariages, s'il vous plaît. L'Amérique, maintenant, ça devient compliqué. Il y a également des réseaux normaux, et c'est celui-là que moi je choisis, le réseau de réfugiés politiques. Mais le réseau de réfugiés politiques, on regarde votre pays également. Mais comment vous allez demander réfugiés politiques ou exilés politiques quand on sait que votre pays est stable? Alors moi, ce qui m'avait sauvé, c'est que j'avais déjà, je m'étais préparé à l'avance. Et là, mon visa, il reste combien de mois? 2 mois. Je quitte New York, je me retrouve donc en Pennsylvanie, dans une petite ville qu'on appelle Carlisle. Nous sommes en 2003-2004. Je me retrouve là-bas en Carlisle, et c'est de là où je trouve un avocat qui me met en contact avec un avocat de Philadelphia. Vous savez, Philadelphia, c'est la capitale économique de la Pennsylvanie. Donc, je me retrouve finalement à Philadelphie. L'avocat, je le prends. Il me constitue le dossier. Et le dossier est constitué. Il me dit, vous avez la chance parce que votre visa de séjour est encore valide. Et de là, donc, il va me faire déjà, il va me lancer la procédure. Et de là, l'agence d'emploi là me trouve donc du boulot dans la zone de Pennsylvania, Caroline. C'est à cause de cette agence. Et je demande donc cette agence de me trouver du boulot ailleurs. Et je me retrouve dans un autre état, je crois c'est Connecticut, qui est en face de New York. Et je me retrouve également à New Jersey. Ceci pour chercher des contacts, des connexions pour pouvoir m'intégrer. Voyez-vous, mais Dieu merci, comme je vous disais, la langue. Je maîtrisais déjà la langue. Et c'est ainsi, dans l'hôtel où je travaillais en Caroline, je rencontre un Somalien, je vous parle de cela, qui, lui, je ne le connais pas du tout. Il va me dire, votre vie, vous l'aurez dans l'hôtel de l'Ohio, ceci, cela. Je dis, ah bon, oui, oui, comment vous le savez? Il dit, non, moi, je n'ai rien à vous dire. Vous venez là-bas, dans l'état de l'Ohio, à la capitale, vous allez être logé chez moi. 2 jours plus tard, je démissionne et je me retrouve donc dans l'état de le machin. Et c'est de là où je me trouve chez le monsieur. Et le monsieur, je crois, 72 heures, 3 jours plus tard, il meurt dans un accident grave. Il fumait le chanvre parce qu'il était chauffeur de trocs, de gros camions. Et je me retrouve dans la maison avec sa deuxième épouse, une Américaine. Celle-ci, elle me fait voir de toutes les couleurs. Elle veut que je couche avec elle. Et de là, je fouille. Et puis, je me retrouve dans un restaurant, en train de travailler dans un restaurant somalien. Et quand je travaille dans ce restaurant somalien, ils me disent, bon, écoute, tu n'as pas de papiers. Vraiment, c'est compliqué. Ainsi de suite, mais on va vous aider. Et de là, un étranger vient venir manger, un monsieur qui est juif d'origine russe, de Pittsburgh. Et c'est ce monsieur qui va me prendre et habiter chez lui. Et là, je vais devenir, on appelle ce métier-là comme un plombier. Et c'est ce monsieur, j'ai posté ses photos un peu partout. C'est à cause de lui que j'ai voyagé en Israël et que j'ai voyagé également en Russie. Vous voyez? Voilà sa photo. Voilà la photo quand j'étais en Israël. Vous me voyez là avec le... Vous me voyez bien là, le gars qui a le short jaune. C'est le monsieur en question. Et moi, je suis juste... Voilà, me voici ici. Me voilà, je suis là. Regardez bien, c'est moi ici, avec le haut noir. Et voilà le monsieur. Voilà le monsieur, Mr. Branko. Voilà toute sa famille. Là, je me retrouve Pittsburgh, en Russie. Et c'est de là où on va se retrouver en Israël. Parce que sa famille... Sa mère est originaire d'Israël. Elle est là, la voici. Et voici son père. Vous voyez? Donc, c'est comme cela que moi, mes ouvertures, à cause peut-être du travail, pas peut-être, à cause du travail spirituel que je fais, ce monsieur donc va me prendre, va m'amener dans un quartier. Ceux qui sont ici à Columbus, la communauté gabonaise qui est ici, connaissent le quartier qu'on appelle Powell. Il y a un quartier ici, ce quartier des gens riches. C'est un peu comme Hollywood ici. Ça s'appelle Powell. La maison la moins chère, c'est 1 million de dollars. Donc 5 milliards de francs CFA. Ce monsieur-là était propriétaire d'une maison là-bas parce qu'il était chef d'entreprise. Et c'est comme cela, il va me former dans la plomberie. Et je vais être payé à 800 dollars par semaine. Voyez-vous? Et lui, il est prêt à m'aider. Il me dit, tu peux épouser. Donc, ma reconversion. Ça, c'est un élément très important. Je suis pour moi inspecteur de pétrole au Gabon. Je deviens technicien supérieur. Contremaître de chargement à la compagnie Shell. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme boulot au Gabon également? J'étais également agent contrôleur au ministère de la planification. Et ensuite, je fais d'autres choses là au Gabon. Beaucoup de trucs. Je faisais des trucs de traduction. Me voilà maintenant me reconvertir à zéro au niveau des États-Unis. Donc, à cause de lui, je vais m'inscrire à l'université pour apprendre le métier de soudeur. Je vais faire la soudure hydraulique. Et c'est là, et c'est ainsi que en 2008, j'ai mon passeport américain. Voilà. En 2008, je deviens citoyen américain. Vous voyez bien le passeport. Et là, c'est le deuxième passeport parce que l'autre a expiré il y a quelque temps. Celui-ci a été renouvelé il y a 2 mois. Bref, donc tout se passe bien. Je reçois ma carte verte en 2005. Et avant cela, j'ai un autre document qu'on me remettra parce que je vous ai dit, je ne vous ai pas dit cela. Ici, aux États-Unis, vous pouvez changer votre statut. Donc, pendant que mon visa était prêt à ces machins à périmer, mon quatrième mois du visa américain qu'on m'a donné pour éviter d'avoir les problèmes, je demande ce qu'on appelle changement de statut. Bon, malheureusement, le changement de statut, vous savez, M. Donald Trump, quand il devient président, il va décider qu'on ne doit plus changer de statut. C'est interdit. Mais à l'époque, le changement de statut était possible. Et là, j'étais bien renseigné. Tout ce que je vous dis, c'est nécessaire d'avoir des avocats. Mais comme l'avocat que j'ai eu en Pennsylvanie m'avait roulé, et quand je passe à la procédure de tout ce qui suit là, je n'avais plus besoin d'avocat. Je me renseignais très bien. Je me renseignais, il fallait suivre ce qu'il fallait faire. Et je vous signale que le mariage avec la sœur du monsieur, je ne l'ai plus fait. Parce que, pour des raisons de sécurité, j'ai dit non, je ne veux pas me retrouver dans la merde. En fait, c'est le papier de réfugié politique qui a abouti à un certain temps. Mais avant cela, je change mon statut pour devenir, avoir un visa d'étudiant. Et le bureau de l'immigration qui s'occupe de ça se trouve en Californie. Ça va être fait. Et bien voilà, ils vont m'autoriser de travailler. Voici mon premier permis de travail qui est là. Il est là. Vous me voyez bien là. C'est ça, le document qu'on me remettra. Et c'est à base de ça maintenant que je vais commencer à faire des petits boulots à gauche et à droite. Bien sûr, en attendant les papiers qui arrivent. Et j'ai ma carte verte en 2005 sur le statut que j'ai choisi, ce statut de réfugié, parce que j'ai amené beaucoup de preuves et tout et tout. Et puis, je deviens citoyen américain. Donc, pour résumer tout ceci, il y a beaucoup de choses que je pourrais bien vous dire parce que j'ai fait la reconversion. Je suis allé à l'école, je suis devenu soudeur hydraulique. Des soudeurs hydrauliques, là-bas, je me coupe le doigt. Le doigt-ci s'était coupé complètement. Si vous voyez bien, les deux doigts, il y a une différence. Celui-ci, il est tordu, mais c'est maintenant que vous le saviez. Mais à cause de la médecine esthétique, ils vont me fixer cela. Donc, du coup, voilà, ça revient. Mais l'infirmité reste. C'est toujours tordu. C'est pas facile. Quand je fais les deux doigts, vous voyez, il y a cette déformation. Je vois que ça ne marche pas. Donc, c'est ainsi que en 2008, je me mets maintenant dans le service de la santé. Et là, pendant que je suis au service de la santé, je vais encore à l'école, à l'université, faire des cours pour avoir un diplôme en psychologie du comportement et en même temps, des trucs qu'on appelle de mental health, quelque chose comme ça. Donc, un certificat sur la santé mentale. Ça dure 2 ans dans un collège local ici qu'on appelle le Community College. Tout cela, je le fais. Reconversion. Et je repars à l'école j'arrive aux États-Unis à l'âge de 40 ans, s'il vous plaît. À 42 ans, je repars à l'école. Voyez-vous, jusqu'à présent, bien sûr, je fais d'autres cours. Bon, ça, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails. Mais c'est pour vous dire quoi? Que quand vous faites cette aventure à l'étranger, un, rassurez-vous que vous connaissez bien ce que vous faites. Rassurez-vous que vous n'êtes pas trompé par les gens. Rassurez-vous que vous avez un peu de sous. Rassurez-vous que vous ne vous confiez pas parce que si vous vous confiez aux gens, moi, quand je suis arrivé, je vous dis, toutes ces aventures-là, je n'habitais chez personne. En dehors de coups de chance que je recevais comme ça, des gens qui me voient, mais j'avais toujours mes sous avec moi. Ce monsieur russe, juif d'origine russe, lui, malheureusement, la mort va le prendre. Et quand il meurt, j'étais déjà bien installé, et jusqu'alors, je vous parle, j'ai des relations avec sa famille. Son premier fils est officier supérieur. Il est actuellement colonel à l'armée. Son deuxième fils, il travaille pour le gouvernement américain, ainsi de suite. Et sa troisième fille, elle finit actuellement son master. Et son ex-épouse a décidé de ne plus se remarier. J'ai une connexion avec cette famille russe-là. Voilà comment je me suis créé des relations. Ai-je des connexions avec les Gabonais? Oui, certainement. Mais je suis très méfiant parce que je me rends compte que c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a des frères. De temps en temps, quand il y a des événements, j'intervenais, mais je n'y mets plus pied parce qu'il y a eu trop de choses et qui ont perturbé. Je n'aime pas ça. Je suis quelqu'un qui aime vivre indépendant et qui compte toujours sur lui-même et sur Dieu. Je ne compte que sur Dieu et moi-même. Pour conclure sur ce sujet, que quand vous préparez un voyage à l'étranger, ne pensez pas que c'est aussi facile que cela. Je ne vous ai pas dit toutes les difficultés que j'ai traversées. Je ne vous ai pas dit les conséquences que j'ai eues. Je ne vous ai pas dit que à un moment donné, je faillis faire la prison. C'est parce que j'étais mal orienté. Donc, il faut connaître la loi. C'est ce que je vais insister beaucoup. Il faut connaître la loi du pays dans lequel vous partez. Il faut connaître très bien. Et il faut avoir votre réseau à vous. Évitez d'avoir des réseaux avec certains frères africains. Parce que je vous dis que j'ai failli faire la prison justement à cause d'un réseau de frères africains qui ont failli mal me conduire à propos des impôts qu'il fallait payer. Les gars ici font des fausses déclarations. Nous sommes en Amérique, mais je vous dis, c'est grave. La loi en Amérique ne blague pas. Beaucoup, ce réseau a été démantelé. C'est des gars qui occupaient des hautes fonctions. Mais ils avaient l'habitude de le faire pendant au moins 20 ans. Il y avait des Guinéens dedans, des Somaliens. C'est après 20 ans que les Américains les ont attrapés et ils ont été mis en prison fédérale pour le reste de leur vie. Mes frères, à faire des mariages, des faux papiers, si vous savez que vous êtes, par exemple, marié quelque part et que vous venez encore faire des mariages, il faut éviter cela. Ça va vous entraîner dans la merde. Je vous porte des conseils gratuits. Faites très, très, très attention. Ou vous allez rentrer dans des réseaux de faux mariages. Moi, je vous signale déjà que l'État de l'Ohio, là, c'est interdit. Ils suivent ça de près. Comment c'est interdit? Parce que quand vous allez vous marier, on vous suit de près. Ils vous suivent de près. Ils vous collent aux fesses des agents de renseignement. Vos numéros de téléphone, là, c'est espionné. Ah oui, ils savent tout ce que vous dites au téléphone. Donc, ceux qui veulent venir s'aventurer aux États-Unis, suivez la loi. Évitez de rentrer dans des réseaux fous. Parce que ici, là, tout est contrôlé. Et de surcroît, si vous demandez le statut de réfugié politique, mais c'est grave. Moi, toutes mes activités, ce que je viens dire ici, là, c'est suivi. J'ai des avocats. Avant de venir vous parler, là, j'ai demandé à l'avocat, est-ce que je peux parler de ceci? Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, tout est contrôlé. Ma chaîne YouTube, là, ils écoutent, ils suivent. Des histoires que je fais sur Facebook, ils savent. Ils savent le petit nom que j'ai. Ils savent mon vrai nom. Ils savent ceci, cela. Ils savent l'histoire de ma famille, le nombre d'enfants que j'ai. Ils savent ma vie du passé, le nombre de femmes, ou qui, combien j'ai eu, ou avec qui je vis. Ils savent. Donc, rien ne se cache aux États-Unis, mes frères. Pourquoi je dis cela? Mais parce que quand vous prenez le statut d'histoire de réfugié politique ou bien exilé politique, on vous demande toutes ces questions-là. Et vous n'êtes pas menti. On compare cela avec votre visa du Gabon. Parce que quand vous avez eu votre visa au Gabon, là, on vous a posé des questions. Êtes-vous marié? Êtes-vous ceci? Que faites-vous? On donne toutes ces informations. Maintenant, ici, là, si vous venez mentir, là, vous allez vous retrouver dans la merde. Donc, un conseil gratuit, s'il vous plaît. Ça s'applique également à ceux qui vont en Europe. Veuillez recevoir la vidéo. Il faut une préparation spirituelle, il faut une préparation financière, matérielle, il faut connaître le pays dans lequel vous partez, éviter de vous retrouver dans des trucs de flou. Et moi, je ne conseille pas, ça c'est mon avis à moi. Bon, il y a ceux qui disent, oui, ils vont aller vivre chez des parents parce que j'ai mon parent qui est là-bas. Il y a des gens qui m'ont contacté là. Oh, monsieur, nous viens, moi, je veux venir vivre chez vous, hein. Je viens aux États-Unis. J'ai dit la vérité à la personne, j'ai dit non, je ne veux pas. Pardon, mon frère, je ne veux pas, oh, je ne vais pas vous mentir. Oh, mais comment ça? J'ai dit non. Mais vous êtes bien installé. J'ai dit non. Ce n'est pas parce que je suis bien installé que vous ne connaissez pas les problèmes que j'ai. Oui, j'ai mon appartement d'un certain nombre de chambres. Oui, j'ai quand même de véhicules. Oui, j'ai un boulot. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un, comment dirais-je, le plus stable, le plus machin. Non. Je suis trop occupé, mon frère. Moi, je lui ai dit la vérité. J'ai dit à l'époque, j'ai deux boulots, je vais à l'école, je fais ceci. Et j'ai des enfants à la maison. Maintenant, s'il y a un problème, moi, on fait comment? Je dis non. Si vous voulez que je vous, si tu veux que je t'aide, eh bien, je peux t'aider, que tu peux vivre quelque part, ou bien j'ai des amis, ou bien, bon, voilà, ceci, cela. J'ai donné beaucoup d'indications. Ça n'engage que moi. Je ne vous conseillerais pas de compter sur des frères ou des sœurs qui vivent dans les pays étrangers et aller vivre. Vous allez vivre le calvaire et vous allez le regretter. Travaillez dur, économisez vos sous là-bas. Faites tout et soyez clair et précis. Et en Amérique, il paraît qu'en Amérique, pour réussir, il faut mentir. C'est vrai, hein, y a des gens qui disent ça. Même, qui sont nés ici, ils disent ça. La preuve en est qu'ils sont toujours dans la merde. Mais moi, j'ai dit, je préfère vivre dans la vérité. Et c'est dans la vérité que vous allez toujours triompher. D'accord? Je vous ai dit, depuis New York, on m'a proposé beaucoup de choses. On veut me vendre une carte sociale. On veut me vendre ceci, cela. Avoir maintenant des faux noms. Et à la fin, quand vous allez demander les papiers, vous allez vous retrouver comment? Proposer des mariages, ceci, cela. Et quand vous savez que cela va vous entraîner dans les merdes, dans la merde. Donc, évitez cela. Je vous en prie. La vie n'est pas aussi rose que vous le pensiez. D'accord? Bon, c'est vrai que lorsque vous appliquez ce que je dis là, cela dépend des circonstances et ça dépend de l'esprit de tout un chacun. Moi, je me suis bien préparé. Je m'étais bien préparé. Je m'en souviens, c'est depuis 1985 au lycée technique, 86 au lycée technique. De 85 à 86, je m'étais préparé. Je pensais toujours au voyage pour venir ici aux États-Unis. Mentalement, je m'étais déjà préparé. Et quand je partais travailler à gauche, à droite, quand j'étais dans les pétroliers, quand j'étais inspecteur de pétrole au terminal du Cap Lopez, sur le terminal de la bouée flottante qui se trouve à la Shell, à Gamba, au niveau du bon bateau, je ne sais pas s'il existe encore, les chargeurs, les bateaux chargeurs et tout ça. Je rencontrais toujours des Américains, des étrangers. J'avais déjà plein de connexions. Il y a même un qui m'avait proposé de voyager à bord du pétrolier pour me retrouver à St. Croix, aux États-Unis, et de là, il devait m'amener ici. Oui, puisqu'il y a des Ghanéens qui l'ont fait. Je connais un monsieur Ghanéen qui l'avait fait. C'était par bateau qu'il s'est retrouvé ici. Mais j'ai dit non, l'heure n'avait pas sonné, je vais suivre la logique. Donc voilà le conseil gratuit que j'allais vous porter sur cette affaire de l'aventure à l'étranger. Si vous n'appliquez pas ce que je vous dis, mes frères, surtout nos sœurs, vous allez vous retrouver des prostituées. Et vous verrez les gens venir faire la grande tchatch sur sa page Facebook. Mais vous ne savez pas comment la personne vit. Deux fois, c'est un prostitué. Deux fois, il est dans les histoires de pornographie. Moi, à New York, on m'a approché hein, pour cette affaire de pornographie. Moi, je vous dis la vérité, je ne vous cache rien. Il y a des agences qui sont venues me contacter. Vous êtes africain. Oui, bon, on va vous proposer cela. Mais mes frères, mes sœurs, gardez votre dignité. Et une fois de plus, l'image du Gabon, je vous dis, à l'étranger, bon, moi, je vous parle par expérience ici aux États-Unis. Quand je fais mes papiers, j'étais vraiment emmerdé. Même l'avocat me dit, mais toi, comment tu vas venir t'immigrer ici? Ça a commencé comment? Quand ils ont vu les papiers de mon... Parce que moi, je m'étais préparé. Hein. J'ai amené mes papiers de contremaître de Shell, ou combien je gagnais. J'ai amené le papier de technicien supérieur de la production. J'ai amené des histoires d'inspecteur de pétrole, qualité et quantité, de toutes les compagnies où j'ai travaillé. J'ai même trouvé les gens de Redwood, ici, la compagnie en question. Ils sont aussi pingres, parce qu'au Gabon, je ne gagnais pas grand-chose. La même chose, quand j'arrive ici, ils me proposent presque le même montant. Je dis, non, je ne suis pas dedans. Ils ont vu tous les papiers, j'avais traduit en anglais. Et ça, c'est important, il faut traduire tout en anglais. J'ai toute la doc, tous mes diplômes, les BAC, les CECI, les BTS, tout traduit. Mais quand je reviens ici, c'est calboigné. Et on a eu des cas, pour conclure, des frères béninois, et même un ami russe que j'ai rencontré, médecin de son état. Ils sont des docteurs. Le monsieur béninois a exercé la médecine à son pays pendant près de 12 ans. Je viens de... Il y a 6 mois, j'ai rencontré une jeune Nigériane aussi. Cette jeune Nigériane, docteur d'État au Nigeria. Mais comme le mari est venu apprendre ici, il a réussi. Il est l'un des vice-présidents de la compagnie, de la grande banque qu'on appelle Chase Bank. D'accord? La femme est obligée de le rejoindre. Mais quand la femme arrive ici, elle présente son doctorat du Nigeria. Les Américains disent, niet, nous, on n'est pas dedans. Déjà, il parle l'anglais avec l'accent. Il dit, oh, on n'a rien à foutre. Donc, alors, je vous parle. Cette dame est en train de refaire des examens. Elle est obligée de repasser les examens. Dieu seul combien d'années ça va durer. Ça peut durer 3 ans. J'ai un frère gabonais qui a le même prénom que moi, qui se prénomme Guy, mais je ne veux pas donner son nom de famille. Moi, je l'ai rencontré ici. La même situation, le pauvre. Il avait fini tout le cursus au CUS là-bas au Gabon, mais quand il arrive, il reprend 3-0. Le pauvre. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il exerce comme médecin. Donc, il faut être patient. Il faut se reconvertir. Ne venez pas, ne pensez pas que vous allez amener vos diplômes du Gabon là, master, doctorat de ceci, ou bien vos diplômes de France pour amener ça aux États-Unis. Je vous dis, 2 sur 10 réussissent. C'est compliqué. Il faut vous battre. Oui. Moi, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Il fallait partir à Miami, aller faire la reconversion de mes diplômes pour les amener en diplôme américain. Oh, on vous demande bah, 10 000 dollars. Mais j'avais 10 000 dollars où? Obligé, j'étais obligé de reprendre le système à zéro ici, repartir dans les universités américaines pour pouvoir avoir des diplômes valides au niveau d'ici. Et c'est ça qui, lorsque je commence en 2009, comme je vous disais, 2008-2009, je trouve ce boulot à l'État et j'y suis toujours, par la grâce de Dieu. Et là, ils me donnent les possibilités, si je veux obtenir le Master 2 ou bien faire un doctorat dans le domaine dans lequel j'excelle, il y a des bourses pour, disponibles pour mon État. Et là, je m'inscris, je continue. Donc, malgré mon âge, je connais des amis qui ont 70 ans. Ah oui, qui ne veulent pas prendre leur retraite, mais qui profitent. Parce que ici, quand vous avez 65 ans, the Ohio State University, OSU, qui est l'un des top grandes universités ici dans le monde, vous offre ce qu'on appelle des elderly grants. The elderly grants veut dire des bourses d'études pour personnes âgées à partir de 65 ans. Voyez-vous? Il en a profité quand dès qu'il a pris sa retraite au niveau de là où je travaille. Là. Et de là, il était seulement assistant médical, hein, je vous signale. Il est rentré à l'université. Voilà. Il est en train de continuer et il prépare son master. Voyez-vous? Donc, ne vous gênez pas. C'est pour cela que vous remarquerez que certains d'entre nous, bon, on vieillit difficilement, parce que quand vous êtes occupé intellectuellement, physiquement, vous partez à l'école, vous ne pouvez pas vieillir vite. Il faut savoir manager votre temps. Il faut savoir manager votre argent. Il faut savoir manager les fréquentations. Moi, je n'ai pas d'amis. Non. Je n'ai pas ce temps-là. On va parler de quoi? Je suis très strict. Tu vas devenir mon ami? Oui, on va parler de quoi? Voyez-vous? Je n'ai pas ce temps. Je suis concentré sur ma spiritualité. Ça, c'est ma priorité. Spiritualité, parce que c'est grâce à mes esprits, grâce à mes ancêtres, que toutes ces portes-là se sont ouvertes. Grâce à mes ancêtres, je ne savais pas que j'allais mettre pied un jour en Russie ou encore en Israël. Grâce à mes ancêtres, je ne savais pas que j'allais rencontrer un monsieur qui vit dans une maison de près de 2 millions de dollars. Ça commençait comment? 10 milliards de francs CFA. Et j'étais dans un palace. Je ne vais pas vous exhiber toutes les photos. L'endroit où j'habitais, j'ai dit, mon Dieu, où suis-je? Et je suis dans un royaume ou bien quoi? Vous voyez? Et le monsieur m'a vu dans un restaurant somalien. Il s'arrête là, et la seule personne qui l'attire, c'est moi. Et pourtant, les Somaliens, il y avait plein de monde là. Il me dit, hey man, how you doing? What are you doing? Je dis, ah, ça ne va pas. Oh, comment ça ne va pas? Je dis, non, mais moi, je viens d'arriver et tout. Je ne sais pas comment faire. Je suis dans les hôtels, c'est cela. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, je ne sais même pas si c'est là où je vais dormir ce soir. Bon, moi, j'en ai marre de dépenser l'argent dans les hôtels. Hein? Il me dit, mais écoutez, vous allez venir avec moi? Qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, je suis assistant. Cuisinier, je prépare. Vous savez préparer? Je dis oui. Bon, demain, je vous amène chez moi. Demain, vous allez me montrer un peu la cuisine africaine. Et c'est comme cela, comme la blague. Je me retrouve auprès de cette famille-là. Est-ce qu'il y a eu un fétiche? Non. Je m'étais préparé spirituellement. J'ai appliqué ce que je vous ai dit au début de ma vidéo. Pendant 90 jours, je fais ce travail. Et puis l'aide de M. Ndigou Parfait. Je ne l'oublierai jamais. Il faut être reconnaissant. Je cite son nom parce que vraiment, il a fait quelque chose. Il fait partie des personnes qui m'ont préparé le chemin pour être ici. Donc, venez avec un bon cœur également. Évitez d'amener votre cœur noir. Évitez. Ne comptez pas sur vos fesses. Là, je m'adresse à nos mamans. Évitez cela. Vous n'allez pas venir gaspiller l'image du pays pour venir vous prostituer comme ça se passe là, à Dubaï, à gauche, à droite, d'autres pays. Ce n'est pas bon. Donc, voilà le conseil gratuit que je devais vous porter. Prenez soin de suivre cette vidéo. Mon témoignage, c'était juste pour essayer de vous motiver. Essayez de vous décourager de rentrer dans des voies trop faciles, parce que ces voies faciles peuvent vous entraîner des problèmes. Et les voies faciles, c'est quoi? On va vous vendre des papiers, on va vous voir les histoires de faux mariages, tout cela. Je vous dis ici, là, aux États-Unis, non, évitez cela. Bon, il paraît que pour certains, ça marche, mais ça, c'est leur business. Mais selon la loi américaine, ici, il faut respecter la loi. Et quand vous violez cette loi-là, ou bien quand vous amenez les comportements de l'Afrique ici, là, mais c'est fini. C'est fini. Voyez-vous? Donc, moi, ce que je vous conseille pour conclure, changez de... Quand vous arrivez avec visa visiteur, ce que je vous dis, ce n'est pas contre la loi, c'est la loi qui l'exige. Vous pouvez changer de statut. Vous pouvez changer de statut. Si vous êtes célibataire et que vous êtes, vous aimez, vous rêvez avoir une femme américaine, mais je vous signale qu'elles sont dures de caractère, hein, ces mamans-là. Bon, ça n'engage que vous. Vous pouvez vous marier légalement. Il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes déjà marié au pays, vous voulez vous marier ici. Non, non, non, non. Vous allez vous retrouver dans la merde. D'accord? Il y a d'autres voies. Vous pouvez prendre le statut d'étudiant. Et comme je l'ai eu là, on vous donne un permis de travail. Moi, j'ai eu mon permis de travail. Ça marche. Et de là, si vous continuez jusqu'au niveau master ou doctorat, vous pouvez avoir un autre visa. Là, j'oublie comment ça s'appelle. Le visa pour travailler HB1. On vous donne ce visa qui vous permet de travailler et d'avoir du boulot. Il y a beaucoup de opportunités, mais évitez de rentrer dans le flou. Ne rentrez pas dans la prostitution. Ne rentrez pas dans la drogue. J'ai le témoignage ici de certaines personnes qui connaissaient un jeune Gabonais qui, ce Gabonais, ici aux États-Unis, il vendait la drogue. Et ça marchait très bien pour lui, hein, rassurez-vous. Il a même investi, il a laissé des maisons. Mais alors je vous parle, je ne sais pas s'il vit encore, il est retourné au Gabon et il n'est plus jamais revenu. Pourquoi? Parce que le bureau fédéral, l'État fédéral est derrière ses fesses. Donc quand vous venez ici, s'il vous plaît, je vous parle avec ouverture de cœur. Je ne suis pas contre. Parce que certaines personnes disent, ah, il est jaloux, il ne veut pas que les autres aillent réussir au state. Le state des années 70, là, jusqu'aux années 90, ce n'est plus le même state du 21e siècle. Les choses ont changé. Je vous le parle avec honnêteté. Moi, là, je suis, si je suis encore là, en fait, pour vous dire la vérité, c'est parce que je dois respecter le contrat que j'ai signé avec l'État. Mais sinon, s'il n'y avait que moi, là, si je prends les boulots, les petits boulots, là, privés, moi, je retournerai chez moi. Qu'est-ce que j'en fous, là? Vous pensez que ça me fait plaisir de rester loin de la forêt? Je manque ma forêt, je veux vivre dans ma rivière, je veux faire ma pêche, je veux faire ma petite agriculture. Je veux être en contact avec la mère nature. Je veux être avec mes parents, mes petits-fils, mes petites-filles. On parle seulement au téléphone. Pensez que le téléphone, c'est quoi? Ça ne suffit pas. Ici, il n'y a pas d'arbres. Les arbres que vous voyez, c'est les arbres artificiels. Il y a beaucoup de choses. Mais attention, je ne veux pas vous décourager. Oh, venez. Si c'est pour apprendre, là, vous allez réussir. Mais quand vous venez apprendre, il faut avoir le cash aussi. Parce que les prêts, les loans, on appelle ça loans. Les loans que moi j'ai eus, c'est parce que je suis déjà citoyen américain. On me les donne facilement. C'est ça. Mais vous venez, vous n'avez même pas la carte verte. Vous allez faire comment? Pour cela, il faut amener de l'argent. Les études aux États-Unis, ça coûte trop cher. Le Canada à côté, oui, l'immigration aussi est facile. Parce que surtout du côté de Montréal, le Québec, ils ont besoin de beaucoup de francophones. Là-bas, je vous encourage d'y aller. Voilà la dernière information. Et ça, je vous parle avec preuve, puisque j'ai des amis togolais, même gabonais, qui se sont installés. Bon, il y a des frères gabonais qui vivent au Canada, ils sont mieux placés, hein, pour vous parler de ça. Moi, ce que je dis, je ne maîtrise pas le Canada, hein, mais ce que je sais, c'est que même dans les journaux en ligne ou dans les journaux, c'est-à-dire à la télévision, on en parle, que le Canada ouvre ses portes aux francophiles, aux francophones. Donc, l'État du Québec, Montréal, ils ont besoin des gens là-bas. Et ça, c'est vrai. Mais les États-Unis d'Amérique, c'est compliqué. Vous comprenez? C'est compliqué. Parce qu'il y a eu beaucoup de nos frères qui nous ont gaspillé la situation. Donc, suivez la vidéo à tête reposée. Si les conseils que je vous ai donnés, vous voulez les suivre, vous pouvez réussir. Mais si vous ne voulez pas les suivre, moi, je vous ai averti que l'immigration aux États-Unis... Et puis, l'autre chose que je vous dirais des États-Unis, c'est que quand vous arrivez ici, si votre visa de séjour de 6 mois, là, qu'on vous accorde, entre 1 mois jusqu'à 6 mois, ça dépend, s'il expire, bon, et que vous décidez de rester, ne commettez aucune erreur. On ne va pas vous arrêter. On ne viendra pas vous faire la chasse comme en Europe. On va fouiller les maisons. Non, non, non, non, c'est faux. Moi, je connais beaucoup de gens. J'ai trouvé beaucoup de frères ici, africains, qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas de papiers. Ça fait plus de 20 ans. Mais ils trouvent des voies et moyens pour vivre. Ça, tant que le gouvernement américain ne t'a pas attrapé en train de violer ses lois ou impliqué dans un crime quelconque, parce que dès qu'on va te demander « Can we have your driver license ?» Pour avoir le driver license, il te faut un permis de travail ou bien il te faut la carte verte. C'est compliqué pour toi. Donc, il y en a qui réussissent comme ça. Je connais même des frères gabonais qui sont là, certains qui n'ont pas de papiers, mais ils s'en sortent, qui étaient des étudiants, mais ils ont décidé de rester. Ils s'en sortent et Dieu seul sait comment ils font. Moi, je ne m'occupe pas de leur vie privée. Mais une chose qu'ils savent et que je sais, c'est qu'ici, on ne joue pas avec la loi. You have to abide by the law. You have to follow the law. Any violation will cost your life. They're going to put you in a federal prison. And the federal prison is not a joke. It's not a game. C'est comme cela. Ils vont vous le dire clairement. Moi, j'ai des amis policiers, j'ai des amis même de l'armée, dans tous les corps. J'ai des réseaux à gauche, à droite, des services de renseignement. Je cherche, j'ai pris tout ça. C'est pour mieux me protéger parce qu'ils me donnent beaucoup d'informations et j'apprends. Et je ne veux pas venir les partager ici, là. Rassurez-vous. Là, je vous ai donné le minimum d'informations. Évitez d'être impliqué dans le faux. D'accord? Connaissez le pays où vous venez ici. Et puis, il faut savoir que chaque État a ses lois. Là où j'étais en Pennsylvanie, les lois sont différentes. En New York State, les lois sont différentes de l'Ohio State. L'Ohio State, les lois sont différentes de Utah State. The Utah State, c'est différent des lois de District of Columbia, Washington, D.C. Dans Washington, D.C., les lois sont différentes de l'État de Washington State, in Seattle. Voyez-vous, c'est complètement différent. Vous partez à Atlanta, Georgia, l'État de la Géorgie, où il y a une grande communauté gabonaise, les lois sont différentes de l'État de l'Ohio. Vous voyez? C'est comme cela. C'est comme cela l'État a été fait. Chacun est venu rentrer dans la fédération, mais a maintenu ses lois. Les impôts sont faits différemment. L'État, par exemple, du Nevada, le fameux Las Vegas, là-bas, ils ne payent pas les impôts. Mais l'État de l'Ohio et les autres États, on paye les impôts. Et je connais des amis là, Ghanais, ils ont dit, non, I'm sick and tired, man. I'm paying almost 40% of my damn salary. Shit, I'm moved down to Las Vegas. Donc, ils ont bougé, ils sont allés là-bas, au Nevada. Ils ne payent pas les impôts. Ils ont leur manière à eux de vivre là-bas. Je crois que c'est en fin d'année que vous pouvez payer quelque chose au fédéral. Mais, logiquement, il n'y a rien. Mais ils vivent de quoi? Mais c'est les casinos, tout le monde connaît Las Vegas. Vous voyez, donc chaque État a ses lois. Et ça, vous devez le savoir avant de venir vous immigrer aux États-Unis. J'espère que je n'ai pas offensé qui que ce soit dans mes propos. Je vous ai prévenu que je venais ici, c'est pour vous donner des conseils avant de venir immigrer, aller en aventure dans un pays étranger. Et également, surtout, partager aussi ma propre expérience avec vous, parce que je suis un immigré, je suis venu ici légalement avec un visa qui était en bonne et due forme, mais j'ai respecté également le visa qu'on m'a donné en rentrant à l'aéroport de New York, ce visa-là, de 6 mois. Il fallait que je respecte la durée de 6 mois, et je vais vous expliquer comment je fais pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle l'illégalité, parce que c'est ça le grand danger. Et surtout que je suis un ancien homme d'église, prédicateur à plein temps, pasteur, bon, moi je veux vivre dans la légalité. Et c'était compliqué pour moi. Donc il fallait suivre ces voies de machin. Vous pouvez changer votre statut. Aucune loi ne le condamne. Dès que vous arrivez, mais n'allez pas aussi ouvrir vos bouches là, aller dire les gens de l'immigration là-bas que moi je vais rester. Non. Une fois vous arrivez, votre visa, qu'on vous met sur le cachet, sur votre papier, qu'on appelle le I-94, il faut bien retenir ce document, le I-94. Sur le I-94, il faut bien regarder la durée qu'on vous donne. Hein? Si on vous dit c'est 1 mois là, ça veut dire qu'il faut quitter le pays. Voilà. Mais si vous avez la possibilité de changer le statut durant cette période, ça n'engage que vous. Changer le statut veut dire, si vous voulez devenir étudiant, c'est possible. Il y a une somme qu'il faut payer. Moi, à l'époque, j'avais payé 350 $. Ça, c'est au niveau de la Californie, il faut envoyer ça par money order ou bien par virement bancaire. Oui. Bon, maintenant, vous voulez changer le statut pour réfugié politique? Oui, il faut avoir tous les éléments, les photos, les journaux et des ceci, votre leader politique, votre carte du parti, ainsi de suite. Maintenant, vous voulez vous marier, vous avez rencontré quelqu'un, un homme ou une femme. Bon, ça, il n'y a aucun péché. Nous avons des mariages comme ça. Moi, je connais beaucoup de nos soeurs gabonaises qui sont mariées aux Américains. Aujourd'hui, elles sont des Américains. Ça, c'est ce qu'on appelle le mariage de bonne foi. Et ce que les Américains n'aiment pas, c'est le mariage de mauvaise foi. Vous allez tromper leur vigilance, on vous attrape, oh, vous êtes dans la merde. On ne va même pas vous renvoyer à votre pays, on vous enferme ici. Et pour combien d'années, Dieu seul, pour le reste de votre vie. Donc, évitez cela, prenez les bons renseignements. Moi, je ne vous demande pas de me contacter. Moi, je parle par ma propre expérience parce que j'ai étudié la loi américaine, je connais la constitution américaine, comme je l'ai dit au début. C'est pour cela que j'ai des armes. C'est l'amendement numéro 2. J'ai l'amendement numéro 1, mais dont la liberté de venir parler de mon bouti, c'est ce que recommande l'amendement numéro 1. Ah. Et ensuite, l'amendement numéro 25, bon, ça c'est en rapport avec les lois politiques et autres. Je suis libre de critiquer, je suis libre d'adhérer ou de créer mon parti ici aux États-Unis. Je suis libre d'être candidat, je peux être sénateur, je peux être député, je peux être gouverneur, mais je ne peux pas être président parce que je ne suis pas né ici. Donc, tout cela, c'est des lois que je connais. Donc, c'est pour cela que je suis venu porter ce conseil. Si vous êtes intéressé à venir aux États-Unis, veuillez prendre tous les renseignements nécessaires depuis l'ambassade. Et même l'ambassade, parfois, ne va pas vous donner ce genre d'informations. Voyez-vous, il faut avoir des réseaux. Ne m'appelez pas, je ne connais pas grand-chose. Recommandation numéro une, quand vous arrivez aux États-Unis, quand vous savez que vous allez rester, cherchez un avocat. Et pas n'importe quel avocat. Il faut chercher un avocat spécialisé dans l'immigration. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir en Pennsylvanie un avocat d'origine juive, mais qui pratiquait depuis près de 40 ans. Ici, également dans l'État de l'Ohio, j'ai eu, et il est toujours avec moi, c'est une famille juive. Mais mon Dieu, ce cabinet-là a aidé des millions d'immigrés ici. Donc, il vous faut trouver des bons avocats pour pouvoir vous faire avancer. Je ne suis pas contre les avocats africains, bien qu'il y a certains qu'on a attrapés dans des faux réseaux, de trafic, de ceci et cela, mais ils ont fait l'école ici, mais ils ont choisi de faire le mal. Et ils savent bien que l'Amérique, là, ne blague pas. Même si tu restes pendant 10 ans. Moi, il est arrivé des moments où je ne payais pas mes impôts, mais je connais la loi. La loi me dit que quand tu es devenu américain, ça, tu as un numéro matricule, hein, ils appellent alien number, tu es toujours étranger pour eux, même si tu as le passeport là. Le passeport là, il est valable uniquement si je respecte la loi américaine. Mais si j'ose passer 5 ans, ça c'est une loi, mais il y a des gens qui ont voulu discuter avec moi, allez-y lire, allez-y, rentrez dans le US, le USCIS.gov, USCIS.gov, on va vous dire ça. What happened if, as an immigrant, I don't pay my taxes for 5 years? Ils expliquent. They're going to deport you. They're going to take away your passport. Ils vont arracher ce passeport-là. On te prend ta citoyenneté. Mais c'est des choses, beaucoup d'immigrants le savent. Ah, c'est fini, je suis au paradis. Sur la carte verte-là, savez-vous que je connais des gens qui sont allés jusqu'à la nationalité? Ils ont la nationalité, le passeport américain-là, mais on les a déportés. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne veulent pas suivre la loi. La loi dit que lorsque vous avez atteint 2 ans avec votre carte verte, après les 2 ans, et même 90 jours avant que les 2 ans expirent, il vous est recommandé, si vous êtes marié à une Américaine ou à un Américain, il vous est recommandé d'enlever les conditions basées sur ce mariage-là. Vous ne pouvez pas directement demander, et beaucoup commettent l'erreur de demander directement la carte des 10 ans. Et ce monsieur ne savait pas ça, hein? Il a demandé la carte de 10 ans. Mais l'immigration a dit, OK, mais on regarde bien. Oui, il est marié, bon, il n'y a pas de problème. Parce que le bureau qui s'occupe d'enlever les conditions basées sur le mariage, c'est votre juge d'instruction, le juge de votre localité, qui doit voir là où vous êtes marié, qui doit enlever ces conditions. Mais tant que ce juge ne l'a pas enlevé, même au niveau, on appelle ça le CIRCOS. Le CIRCOS représente l'État fédéral. Mais si ce juge du CIRCOS de l'Ohio, qui représente l'État fédéral, n'a pas enlevé ses conditions basées sur le mariage, même si vous avez la nationalité, quand vous avez demandé, votre papier de 2 ans bientôt va expirer, vous demandez directement la carte de 10 ans. L'immigration va envoyer, parce que l'immigration, lui, dans sa tête, s'est dit que vous avez respecté cette procédure par votre État local. Voyez-vous? Et on a vu ce monsieur qui a passé 25 ans. Il a des petits-enfants même et tout. La femme qui pleure, oh, yayo, yayo, yayo. Le monsieur, pourtant, il a la nationalité américaine. On l'a déporté. On lui a arraché la nationalité. Et c'est plus tard que lorsque la dame prend l'avocat, l'avocat lui dira, mais madame, lorsque ce monsieur-là s'est marié avec vous, est-ce qu'il a enlevé les conditions? Il y a un document j'oublie comment on appelle ce document. Je crois que c'est le I-8 something. J'oublie, je ne veux pas dire des bêtises. Vous pouvez le vérifier sur le www.usais.gov. Là-dedans, on explique. You have to remove the conditions based on your marriage. Et quand tu envoies donc ce document de remove the conditions based on marriage, c'est le juge du circus judge. Il y a une loi qu'on vous envoie. La lettre, on vous l'envoie qui va vous dire, voilà, que désormais, les conditions basées sur votre mariage sont enlevées et que vous êtes maintenant libre d'avoir la carte de 10 ans. Parce que quand une fois vous avez la carte de 10 ans et que vous allez faire votre nation, supposez maintenant vous avez divorcé après 3 ans, 4 ans, on fait comment? Vous divorcez, Eh bien, on va vous demander le papier de divorce. Oui, on va vous demander aussi, est-ce que vous avez enlevé les conditions pour suivre votre mariage? Oh non, mais vous avez fait comment pour avoir la carte de 10 ans? Alors, je l'ai demandé. Violation. Donc, la dame, quand elle est allée vérifier, effectivement, le monsieur n'avait pas enlevé ses conditions. Mais il a fait la demande de la carte de 10 ans directement. Et ça, c'est des détails. Quand on explique ça à nos frères africains, oh non, lui, il est contre les autres. Mais moi, je vous dis, je suis en contact avec ces gens-là. Le petit frère de ce monsieur juif d'origine russe, de russe d'origine juive, il est juge d'immigration. Je discute avec lui. Ses enfants sont autour de moi. Il m'appelle Uncle Guy. Pourtant, c'est des balas. Mais on discute. Il me donne des documents. Et vous rentrez dans les histoires d'immigration là. Il y a des sites qui vous donnent toutes les informations. Voilà pourquoi je vous dis que quand il s'agit de changer votre statut, que ce soit mariage, que ce soit immigré, politique, que ce soit étudiant, ayez un avocat si vous n'êtes pas sûr. Moi, je n'ai pas eu besoin d'avocat quand j'ai changé le statut d'étudiant, ainsi cela, parce que je connaissais la loi. Et j'ai suivi la procédure. Donc, par mesure de prudence, aux États-Unis, veillez, s'il vous plaît, toujours avoir un avocat. Et c'est cet avocat qui va vous guider dans toutes les procédures. J'en ai terminé. Que Tata Mwanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien et passez un très bon week-end. Merci.